Non, monseigneur. Avez-vous des soupçons, cependant ? Oui, monseigneur. Mais ces soupçons ont paru contrarier monsieur le commissaire et je ne les ai plus. Quand vous alliez chercher votre femme au Louvre, revenait-elle directement chez vous ? Presque jamais, elle avait affaire à des marchands de toile chez lesquels je la conduisais. Et combien en avait-il de marchands de toile ? 2, monseigneur. Où demeure-t-il ? Numéro 25 dans la rue de Vaugirard, numéro 75 dans la rue de la Harpe. C'est bien, dit le cardinal. À ces mots, il prit une sonnette d'argent et sonna. L'officier rentra. « Allez, dit-il à demi-voix, me chercher Rochefort et qu'il vienne à l'instant même s'il est rentré. »« Le comte est là, dit l'officier. Il demande instamment à parler à votre éminence. »« À votre éminence, murmura Bonacieux, qui savait que tel était le titre qu'on donna d'ordinaire à monsieur le cardinal. »« À votre éminence ?»« Qu'il vienne alors, qu'il vienne, dit vivement Richelieu. » 5 secondes ne s'étaient pas écoulées depuis la disparition de l'officier que la porte s'ouvrit et qu'un nouveau personnage entra. « C'est lui !» s'écria Bonacieux. « Qui, lui ?» demanda le cardinal. « Celui qui a enlevé ma femme. » Le cardinal sonna une seconde fois. L'officier reparut. « Remettez cet homme aux mains de ces deux gardes et qu'il attende que je le rappelle devant moi. » « Non, monseigneur, non, ce n'est pas lui !» s'écria Bonacieux. Le nouveau personnage qu'on venait d'introduire suivit des yeux avec impatience Bonacieux jusqu'à ce qu'il fût sorti, et dès que la porte fut refermée sur lui, ils se sont vus, dit-il, en s'approchant vivement du cardinal. « Qui ?» demanda son éminence. « Elle et lui. »« La reine et le duc ?» s'écria Richelieu. « Oui. »« Et où cela ?»« Au Louvre. »« C'est bien. » Nous sommes battus. Tâchons de prendre notre revanche. Je vous y aiderai de toute mon âme, monseigneur. Soyez tranquille. Comment cela s'est-il passé ? À minuit et demi, la reine était avec ses femmes lorsqu'on est venu lui remettre un mouchoir de la part de sa dame de lingerie. Après, aussitôt la reine a manifesté une grande émotion et elle a ouvert la porte de son alcôve, puis elle est sortie. Et elle est rentrée ensuite ? « Oui, mais pour prendre un petit coffret de bois de rose à son chiffre et sortir aussitôt. »« Et quand est-elle rentrée ? Plus tard ? A-t-elle rapporté le coffret ? Non. »« Madame Delannoy savait-elle ce qu'il y avait dans ce coffret ? Oui, les ferrets en diamant que Sa Majesté a donnés à la reine. »« Maintenant, savez-vous où se cachaient la Duchesse de Chevreuse et le Duc de Buckingham ? Non, monseigneur, mes gens n'ont rien pu me dire de positif là-dessus. »« Je le sais, moi. » « Vous, monseigneur ?»« Oui. Ou du moins, je m'en doute. » Ils se tenaient l'un rue de Vaugirard, numéro 25, et l'autre rue de la Harpe, numéro 75. « Prenez 10 hommes de mes gardes et fouillez les 2 maisons. »« J'y vais, monseigneur. » Et Rochefort s'élança hors de l'appartement. Le cardinal, resté seul, réfléchit un instant. Et le cardinal se mit à examiner avec la plus grande attention la carte de La Rochelle, qui, ainsi que nous l'avons dit, était étendue sur son bureau, traçant avec un crayon la ligne où devait passer la fameuse digue qui, 18 mois plus tard, fermait le port de la cité assiégée. Comme il en était au plus profond de ses méditations stratégiques, la porte se rouvrit et Rochefort rentra. « Eh bien !» dit vivement le cardinal en se levant avec une promptitude qui prouvait le degré d'importance qu'il attachait à la commission dont il avait chargé le comte. « Eh bien, dit celui-ci, une jeune femme de 26 à 28 ans et un homme de 35 à 40 ans ont logé effectivement l'un 4 jours et l'autre 5 dans les maisons indiquées par votre éminence. Mais la femme est partie cette nuit et l'homme ce matin. »« C'était eux, s'écria le cardinal. Quels sont les ordres de votre éminence ? Et cet homme, qu'en a fait votre éminence ? Quel homme ? Demanda le cardinal. Ce Bonacieux. J'en ai fait tout ce qu'on pouvait en faire. J'en ai fait l'espion de sa femme. » Le comte de Rochefort s'inclina en homme qui reconnaît la grande supériorité du maître et se retira. Resté seul, le cardinal s'assit de nouveau, écrivit une lettre qu'il cacheta de son sceau particulier, puis il sonna. « Faites-moi venir Vitray, dit-il, et dites-lui de s'apprêter pour un voyage. » Un instant après, l'homme qu'il avait demandé était debout devant lui, tout botté, tout éperonné. « Vitray, dit-il, vous allez partir tout courant pour Londres. Vous ne vous arrêterez pas un instant en route, vous remettrez cette lettre à Milady. » Le messager sans répondre un seul mot s'inclina, prit la lettre et sortit. Voici ce que contenait la lettre. « Milady, trouvez-vous au premier bal où se trouvera le duc de Buckingham. Il aura à son pourpoint 12 ferrets de diamants. Approchez-vous de lui et coupez-en deux. Aussitôt que ces ferrets seront en votre possession, prévenez-moi. »